9h, votre réveil matin, c'est Francky. Rania Rossel, bonjour et bon dia à la famille là, j'espère que vous allez bien. 7h pile, j'allais dire 7h04, hein, je suis moitié big ce matin. C'est pas grave, on est heureux de vous retrouver en tous les cas, j'espère que vous êtes en pleine forme, vous avez passé une excellente nuit. Et notre invité exceptionnellement est arrivé de bonheur, Bond is Bond, il est dans les studios. Il s'appelle Damien Nassiris, c'est notre invité d'honneur aujourd'hui. Il a vu le film Mourir peut attendre, on va en parler avec lui. Et puis c'est un fan, hein, c'est le membre du club James Bond France. Il va nous en parler dans moins de 5 minutes en direct sur la radio. Justement, le meilleur des souvenirs avec Evelyne Thomas, avec Énergie. Bon réveil et belle journée sur la radio couleur. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Si vous voulez nous appeler, n'hésitez pas. Un bonjour à l'antenne, appelle le 02 38 43 48 00. Ton rayon de soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Et pour bien démarrer cette matinée 1984, le meilleur du son sur la radio, avec Evelyne Thomas, High Energy. l'essentiel, bienvenue, bon réveil, belle journée. Ouais, aujourd'hui on est là de bonne heure comme tous les jours. 7h-9h, c'est Francky dans la radio. Je suis vraiment heureux de vous retrouver. Et puis notre invité qui est là de bonne heure aujourd'hui, bah ouais, il y en a qui bossent, hein. On l'accueille tout de suite, on va parler de Bond, James Bond. Et ouais, c'est aujourd'hui dans les salles. Il est là, on le reçoit. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. L'invité du jour, la star du jour même, j'ai envie de dire, il est dans les studios. Bonjour Monsieur Bond. Salut Francky. Hey, t'as vu, j'ai tout manipulé hein, depuis le début. Hein. Ah non mais t'es nickel. T'as vu parfait. Ça Damien Nassiri, bonjour. Bonjour. Ça va? Je t'ai mis ça derrière, ça te dérange pas? Ah ben bah, pas du tout, j'adore. Donc tu peux y aller. Il y en a eu beaucoup des James Bond. Alors on va te présenter, membre du club James Bond France, modérateur de la première page francophone sur James Bond, Planète 007, ouais, et de la chaîne YouTube numéro 1 en France sur Bond, James Bond, présentateur du premier jeu français sur Monsieur Bond. Exactement. Sacré personnage. Alors, oui. Alors avant de démarrer un petit peu ce bel interview, j'espère. J'espère aussi. James Bond, pourquoi James Bond, cette passion aujourd'hui autour de l'agent secret? Ah bah écoute, à 14 ans, j'ai découvert James Bond avec le film Demain ne meurt jamais, en 97. Et bah, du coup, le gamin que j'étais est devenu un grand, grand fan. Et depuis, ça ne m'a jamais quitté. Jamais. Ouais, non. Depuis que j'ai 14 ans, j'ai vu les films peut-être, je sais pas, je dirais certains 300 ou 400 fois. Non, sérieux, c'est vrai? Ah non, sérieux, ouais, je suis assez sérieux. Tu collectionnes aussi des petites voitures, les choses comme ça? Ouais, j'ai une petite collection, mais j'ai des copains qui collectionnent beaucoup plus. Moi, je suis pas un gros collectionneur. Moi, je suis vraiment un fan des films, mais j'ai des copains qui ont des collections qui valent à peu près 300 000, 400 000 euros. Ah ouais, faut que tu me le présentes. Ah ouais, non, mais on a des grands dingues chez nous. Hein, donc, ah ouais, il y a vraiment des malades. Ouais, non, ouais, mais ouais. C'est bien, après, chacun son truc. Hein, complètement. Hein, ouais. Voilà, moi je suis pas un grand collectionneur, après moi c'est vraiment les films. Les films? Ouais, les films, voilà. Alors, je me dis, 300, 400 fois t'as vu les mêmes, t'en as pas marre à un moment, les Bond, James Bond, non? Même pas, non, j'arrive pas à me lasser, je regarde à peu près 3 ou 4 fois par semaine. Ah ouais, carrément. Hein. Ah ouais, bien sûr, ouais. C'est maladif, non? Ouais, c'est un peu maladif, ouais. C'est pas méchant ce que je dis. Hein. Non, t'inquiète, y a pas de soucis. C'est une passion aussi. Et c'est vrai qu'en ce moment, ils ont passé pas mal sur les chaînes télé, là. Ouais, bien sûr, ouais. Voilà. France 2 en a repassé quelques-uns. Ouais. Il y a une chaîne en plus sur France Télévisions qui diffuse tous les films. Voilà. Après, moi, je suis un brosnanien, donc du coup, je suis un grand fan de Pierce Brosnan. Ouais. Donc, c'est ton agent préféré? C'est mon agent préféré, ouais. D'accord. Bon, après, je les aime tous. Hein, moi, mais... c'est plus pour Roger Moore. Je suis peut-être plus vieux. Ah, ben, en fait, souvent, on est fan de celui avec lequel on a grandi. Ouais. Ah ouais, bah c'est ouais, ça. Moi, j'aime bien la voiture blanche là, avec la Lotus Esprit, ouais, voilà, dans l'espion qui m'aimait, ouais. Qui va dans la mer et tout. Ouais, là, bien sûr. La super bagnole. Alors aujourd'hui, toi, fan de James Bond, si tu avais, ça va être compliqué. Un James Bond préféré, ça serait lequel? Alors, tous ceux qui me connaissent savent que je suis un grand fan du Monde ne suffit pas. Ah ouais. Qui est sorti en 1999. En gros, l'histoire du Monde ne suffit pas. Déjà, il y a la plus grande merveilleuse Bond girl qui est Sophie Marceau. Ah ouais. Une belle française. Ah ouais, c'est vrai qu'elle a joué dans James Bond. Exactement. Sophie, hein. Et James Bond sauve le monde une fois de plus. Et si on peut résumer, il sauve le monde. Voilà. C'est un héros. Oui, c'est un héros des temps modernes, c'est un héros qui a réussi à s'adapter à son temps, à son époque. Ouais. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est la plus grande saga cinématographique du monde, ouais. Celle qui a rapporté le plus d'argent, celle qui a duré le plus longtemps. Donc, oui, c'est un héros. En tout cas, c'est mon héros. Le premier James Bond, il est sorti quand? Alors, moi, je connais rien. Ah, alors, le premier James Bond au cinéma... J'ai pas de question piège. Hein, c'est... Non, ouais. Mais le premier James Bond au cinéma, il est sorti le 5 octobre 1962. Ah oui, quand même. C'est le film Dr. No. Hier, c'était l'anniversaire, donc les 59 ans de la sortie de James Bond, ce qu'on appelle le Happy James Bond Global Day. Et sinon, les puristes me diront que le premier James Bond est sorti, et c'était un téléfilm en 1954, ouais. Qui s'appelait Casino Royale. Ah, mais il est repassé après, ils l'ont fait après. Et après, effectivement, alors pour la petite histoire, il y a eu 3 Casino Royale. Il y a eu Casino Royale de 1954, il y a eu Casino Royale de 1967, qui était une comédie loufoque de James Bond. Et dans les années 2000 après? Et 2006, Daniel Craig. Ça date. Et ouais, maintenant, Daniel Craig, ça fait quand même depuis 2006 qu'il est dans le rôle de James Bond. Et ça se termine maintenant avec Mourir peut attendre. Mourir peut être. Alors moi, j'ai Casino Royale, j'ai une année, parce que je travaillais en boîte à l'époque, et puis on avait fait une grosse soirée pour la sortie de ce film. Hein, ouais. C'était énorme. Ouais, ouais. J'ai un bon souvenir en tout cas. Ouais, ça avait bien relancé la franchise. Enfin, elle avait pas besoin d'être relancée parce que Diana Vadet, qui était le dernier film de Brosnan, sorti en 2002, était un très grand succès. Mais c'est vrai que Casino Royale a séduit beaucoup d'autres publics. Bah, je suis fier de recevoir un grand fan de James Bond ce matin alors dans les studios. Merci de me recevoir. Première chaîne YouTube en France, numéro 1, c'est toi qui la gères ? Alors, on est plusieurs à la gérer. Ouais. Moi, je m'occupe principalement d'un jeu que j'ai inventé qui s'appelle The Question Is Not Enough, en rapport avec The World Is Not Enough, le monde ne suffit pas. Bien sûr. Et en fait, on a des candidats qui se présentent à nous et on pose des questions. Si vous voulez aller visiter la page, c'est Planète 007 Live sur YouTube. Ouais. On a aujourd'hui, je crois, pas loin de 1500 abonnés. Ah oui, quand même. Ouais, pour quelque chose qui est un peu intimiste, hein, parce que James Bond, ça touche pas par tout le monde, ni... Alors, ça touche tous les âges, parce que tu dis 1962, le premier, donc on part de 60 ans de saga l'année prochaine. 60 ans, voilà, donc de 0 à 60 ans. Hein. Exactement, de 7 à 77, même, on va dire. Comme les jeux, exactement, ouais. C'est ça. Tout le monde peut regarder James Bond. Les James Bond, comme tu disais tout à l'heure, de Roger Moore, sont des James Bond un peu plus comiques, qui s'adressent peut-être plus aux jeunes, parce qu'en fait, c'est plus drôle. On peut faire regarder les James Bond de Roger Moore quand on a 7-8 ans, parce qu'il y a moins de violence, il y a plus de gags. Ouais. Après ceux de Daniel Craig, bon, c'est un peu plus violent, on peut peut-être attendre un petit peu. Je rigole parce que j'ai des amis à toi qui m'envoient des photos de toi. La James Bond Girl, c'est Damien maquillé. Je te la montre, hein, je vais pas la mettre sur ah la... Ah oui, la, non. Voilà ce qu'on m'envoie ce matin. Ah, mais c'est pas mal ça. Hein. Mais tu sais ce que je dis toujours avec des amis comme ça, on n'a plus besoin d'ennemis. Ouais, c'est vrai, c'est Joël. Mais je les embrasse. Olivier, oui, t'inquiète pas, je sais qui c'est. Je viens de recevoir ça à l'instant sous les yeux, là, c'est pour ça que je rigolais. Bah, ils ont des dossiers, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Ah ouais, après, bon, peut-être pas tout me sortir, mais en tout cas, c'est mignon. J'espère bien. T'étais pas mal là. Ouais. Je pourrais pas faire une grosse concurrence à Sophie Marceau, mais. Tu ressembles un peu, hein, de loin. Il y a des airs, ouais, de loin. De loin avec du brouillard, ouais. Avec un verre dans le nez. Mourir peut attendre, c'est le nouveau James Bond sur les écrans. Aujourd'hui, je crois que c'est ça. Et alors, il est sorti aujourd'hui, effectivement. Moi, j'ai eu la chance. Et avant-hier, non, tu étais dans les Alors, moi, je l'ai déjà vu deux fois. Je l'ai vu la semaine. Je l'ai vu mardi dernier, donc il y a 8 jours. Le club James Bond France était invité par Universal pour le voir au Grand Rex. Donc, j'ai eu la chance de le découvrir il y a 8 jours. Je l'ai revu hier soir. Ah oui, quand même. Je retourne le voir ce soir. Ah oui, t'es vraiment le fan, quoi. Ah oui, moi, je suis le fan absolu. Même si. Il meurt à la fin, non ? Comment ? Il meurt à la fin ? Ah, je peux pas dire. Non, on peut pas il dire. Il paraît que spoiler doit attendre, donc je ne pourrais pas dire la fin. Ouais. Après, les fans comme moi sont très dubitatifs sur le film. Attention, hein, c'est un bon film d'action. Ouais. Voilà. Après, on va dire que les fans comme moi sont un peu... Comment dire ? T'es tombé sur la fin ou pas, non ? Comment ? À la fin, t'es surpris ? Oui, oui, oui. En fait, nous, ça faisait quelques mois qu'on avait déjà des rumeurs sur la fin, mais oui, effectivement, la fin surprendra beaucoup de gens. Ah, donc allez voir le film. Il faut aller le voir, oui, bien sûr. Mais d'abord, il faut aller le voir parce que c'est un très bon film. Voilà. Voilà. Après, en tant que fan... On est tous un petit peu C'est rigolo ça. Bah disons que sur tous les fans qui l'ont vu, on est à peu près 50-50. Je dirais qu'il y a 50% des gens qui sont qui s'extasient. Et on a 50% des gens où, comme moi, moi j'ai pleuré parce que... T'as pleuré carrément dans le film ? Ah oui. Moi, hier soir, et pourtant je l'avais déjà vu, mais hier soir c'était... Ah non, on n'a pas pleuré hier, on a bien bouffé, par contre on n'a pas pleuré. C'est vrai ? J'ai bien mangé aussi. Hein. Toi aussi, j'espère bien pour toi mon ami. Des fois t'as envie de t'habiller comme James Bond, le flingue. Non mais attends, j'étais maître d'hôtel pendant 20 ans. Bah justement, c'est la tenue. Donc j'étais habillé comme James Bond. Ouais. Et tu te prenais pour James Bond quand tu servais des poulets rôtis, non ? Ah non. J'en étais pas encore rendu là. Mais oui, après pour rigoler des fois, de temps en temps, on peut se prendre pour James Bond, mais entre copains. Ça s'était jamais venu à l'idée de faire une parodie, je sais pas, un truc. Non. Il y en a qui le font sur Internet. La plupart du temps, ils ont l'air ridicules. Là, c'était des parodies un peu, c'était rigolo. Ouais, mais ça n'a rien à voir. OS-117, c'est un vrai personnage qui a été créé. Enfin, c'est vraiment un personnage à part. Je te vois rigoler en regardant ton portable. Je pense que c'est des potes là qui m'ont envoyé des messages. Ils m'ont dit, excuse-moi de te couper, dis-lui qu'on veut l'inviter à manger ce soir pour parler de sa passion. Et oui, parce qu'on est mercredi soir. Alors, t'es cordialement invité ce soir, ils vont parler de ta passion. Eh non, ce soir, je vais voir James Bond en IMAX ce soir. Ah ouais, carrément. Je l'ai vu au Grand Rex, je l'ai vu hier soir dans une salle normale. Ce soir, j'irai le voir en IMAX et je pense que je me le ferai aussi en 4DX. Ouais. Donc voilà. En tout cas, une aventure. Alors le film, pour revenir au, oui. au film, Mourir peut attendre. Oui. Un peu dubitatif, comme tu dis. Pas vraiment fan, on va dire. Alors, entre, si je peux résumer. Non, mais oui. Bon, déçu ou pas, non? Ou alors il manque des choses dans ce film. Alors non, il manque rien. Alors d'abord, Daniel Craig, c'est une valeur sûre. Ça fait ça fait 16 ans que c'est le James Bond. Moi, je suis plus Roger Moore. Oui, mais ce que je disais. Après, on m'a dit qu'il était il était homo. Je sais pas si c'est vrai. Roger Moore, homo. Non. C'est ce que Joël me dit. Apparemment. C'est des conneries. C'est vraiment des conneries. Non, James Bond, en plus, Roger Moore était vraiment un homme d'affaires. C'est James Bond, il parle comme ça des fois dans les films. Non. C'est pas lui alors. Roger Moore était un vrai homme à femme. Ah oui, tous d'ailleurs. Oui, tous étaient des hommes à femmes. Oui. Daniel Craig, je pense pas que ce soit vraiment. Il est marié. Ouais. Voilà. Une vie de famille tranquille. Comment? Il a une vie de famille. Ouais, il a une vie de famille tranquille. C'est rare hein, pour un James Bond, c'est des dragueurs. Eh ben non. Curieusement, Pierce Brosnan c'est la même. Roger Moore était, à mon avis, peut-être un peu plus court. Timothy Dalton, j'en sais rien. Et Sean Connery, bon bah oui, c'est un homme à femme, tout le monde le sait. En tout cas, une belle aventure. Ce film, on peut en savoir un petit peu. Tu peux nous dire un petit peu. Eh ben disons qu'il y a tous les cocktails. Qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? On retrouve. Ah oui. Parce que les premiers James Bond, des fois, quand on les revoit maintenant, des fois, c'est vrai qu'on rigole sur les cascades. Spéciaux. Bah là, disons que effectivement, mais faut toujours remettre dans le contexte. Ceux où tu vas rigoler, c'est par exemple, c'est des films qui ont 40 ans. Ouais. Effectivement, ils ont vieilli. Il y en a qui ont vieilli plus que d'autres. Mmh. Voilà. Mais après, non. Donc on retrouve en fait on retrouve James Bond. C'est la suite vraiment de Spectre, donc qui était sorti maintenant il y a 6 ans. Ah, c'est vrai, ça date, hein. Donc du coup, on retrouve James Bond. Si vous vous souvenez, à la fin de Spectre, James Bond part avec Madeleine Swann. Ah. Il part avec elle, et là, on le retrouve. Dans la suite directe en Italie, je vous raconterai pas la suite, mais il y a tout le cocktail. Il y a des belles scènes d'action, il y a des bagarres, il y a de la vodka martini. Ah bah ça c'est indispensable. Il y a des gadgets. Ah, des nouveaux gadgets ou alors c'est toujours les mêmes, non? Alors non, il y a un nouveau gadget. Après l'Aston Martin, elle est comme dirait Q, celui qui fournit ses gadgets, elle est bourrée jusqu'aux yeux. Donc il y a une très belle scène d'ouverture à Matera en Italie qui est vraiment magnifique. Il y a des scènes magnifiques hein, de toute façon. Tourné en Italie quasiment, non? Non, ça a été tourné en Italie, en Norvège, ça a été tourné beaucoup en studio après. Ouais. D'ailleurs, si un jour ça vous intéresse, les lieux de tournage, il y a un livre qui a été écrit par un de mes amis, Laurent Perriot, qui s'appelle Le Bon Baiser du Monde, et on retrouve tous les lieux de tournage de tous les films. Ah bien ça. Parce que James Bond, il faut savoir que c'est un élément indispensable, il y a les plus beaux pays du monde. On peut, avec ces films, on fait le tour du monde. Quand on voit James Bond, et c'est vrai, quand on voit les James Bond, on est heureux, on voit des beaux paysages. Exactement, on a les plus belles filles du monde, on a les plus beaux paysages. Je me souviens d'une scène sur la plage, je sais plus lequel, avec une ancienne, là, quand ils arrivent sur une belle plage, là, avec les coquillages et tout. Oula, alors là, il va falloir que tu me donnes plus d'éléments. Je sais plus comment elle s'appelle, c'était une vieille actrice. Je sais même pas si elle est encore là, la pauvre. Ah, il y en a quelques-unes qui sont mortes. Ah, il y en a quelques-unes. Qui dit Daniel Craig c'est le plus sexy. Oui, alors attendez, Pierce Brosnan en 95 à la sortie de GoldenEye, tout le monde disait que c'était le plus sexy. Oui, c'est le plus sexy aujourd'hui. Ouais. C'est un beau mec, Je crois qu'ils ont tous eu quelque chose, Sean Connery quand même. Sean Connery. Il est décédé malheureusement. Ouais, il est décédé en décembre l'année dernière. Par contre, il en raconte. Comment? Il en raconte des conneries. Non, mais c'est la blague, c'est ce qu'on vient de m'envoyer par Messenger. D'accord, oui, mais effectivement. Ah, il y a des blagueurs. Sur Arc-en-Ciel. Le matin, ils rigolent pas, les mecs. Ah non, je vois ça, hein. Putain, moi, je viens juste de prendre mon café, j'ai les mollo. Il était bon, le café, ça va? Il était très bon. Sympatoche, la radio, t'as vu? Ah ouais, vraiment, bon accueil, tout va bien. Ouais. Donc ce soir, rebelote, bon, tu iras pas au dîner, alors. Ah non, j'irai pas au dîner. Je vous préviens, les amis, il sera absent ce soir. Je ne serai pas là. Mourir peut attendre. Et dîner peut attendre. Le dîner peut attendre. Le dîner peut attendre. Et l'origine du titre du film, tu le sais, ou pourquoi? Parce qu'il va mourir dans le film. J'ai envie de le dire. Mais est-ce que c'est parce que tu le sais ou pas? Non, je le sais pas du tout. Ah d'accord, donc je peux rien dire. Je ne sais pas. Je connais pas. Le titre en anglais, c'est No Time to Die. Ouais. Ça a été traduit par Mourir peut attendre. Après, voilà. Peut-être que ça peut attendre ou pas, j'en sais rien. Et ben voilà, donc rendez-vous ce soir dans les ciné. Rendez-vous ce soir, oui, exactement. Et venez sur notre page YouTube. On va la donner, la page YouTube, elle s'appelle comment? Planète 007 Live. Ah ouais, Planète 007 Live. Tous les mercredis, enfin le mercredi soir en général, il y a un événement. On a un talk show sur James Bond avec des débats. Bien ça. Ouais, on regarde les films aussi avec les gens, on leur donne plein d'anecdotes s'ils veulent apprendre des choses sur tous les films. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des chroniques où on peut apprendre plein de choses. Mmh. Et on a le jeu The Question Is Not Enough. Ah ouais. Où on, là, exact. Alors par contre, là, vous avez affaire à des gars. Attention le niveau. Du lourd. Ah ouais, ouais, je pose des questions. Du haut level. Ouais, on a écrit à peu près 600 questions là jusqu'à je maintenant. Je pourrais pas répondre. Moi, je suis nul hein, en film. Ah oui, c'est vrai. Répondre. Ah, je suis fan, mais j'aime bien, mais voilà, sans plus quoi. Quand il y en a à la télé, je vais le regarder. Ouais. Mais sans plus. Mais bah, c'est déjà pas mal, tu sais. Par contre, je te remercie du bouquin. Tu m'as offert un bouquin ce matin. Exactement. Le magazine du club James Bond France. Et c'est, je suis un des seuls à l'avoir. Ah, tu es un des seuls à l'avoir parce que ça a été un magazine qui a été tiré uniquement pour ceux qui sont nés à l'avant-première au ouais. Grand Rex à Paris. Ouais. Donc du coup, je t'en ai récupéré un exemplaire et voilà, je te l'offre. Excuse-moi, je dis au revoir à la femme de ménage. Hein. Bah écoute, au revoir madame. Bonne journée. Bon courage. Ouais. Et ouais, non, le magazine que t'as, ça a été vraiment. Là, tu vas apprendre plein de choses sur le film et voilà, le club James Bond de France dont je fais partie. Bah, il faut abonnez-vous s'il y a des gens qui sont fans de James Bond. Il y a des événements, on rencontre on peut rencontrer des acteurs. On peut, il y a plein de choses. Là, cette année, on va faire un gros événement le 20 novembre à Paris. Ouais, où on va rencontrer des acteurs et on a plein de 007 à découvert un document sur l'homme au pistolet d'or. Ah ouais, je me souviens. Inédit, inédit que personne n'a jamais vu. C'est-à-dire qu'on a, on a retrouvé des rushs grâce aux frères d'Hervé Vilches. Nick Nack dans l'homme au pistolet d'or, et du coup on a retrouvé des films, on a des images inédites que personne n'a jamais vues. Voilà, donc du coup on fait plein d'événements comme ça et c'est bien. Bonjour de Florel. Ah, salut Florel, gros bisous. Ah, c'est enfin réveillé alors. Ah bah oui, ils sont tout le monde élevé pour t'écouter. Ah non, hier soir elle m'a dit c'est trop tôt, la radio 7h15, je peux mais pas venir. On l'a lancé hier avec Joël et Olive. Ah oui, d'accord. Ouais, on l'a dit, il faut écouter la radio ce matin. Bah oui, ce matin, attends, elle a un copain. On a une star à Radio Française. Oh, une star, faut peut-être pas déconner, non. Alors, tu sais où tu es assis, tout le monde est passé, hein, les maires, les élus, les chanteurs, les voilà. Ah bah attends, je suis peut-être le futur maire d'Orléans, moi. Bah monsieur le maire, alors ça se trouve dans 4 ans, 5 ans, je vais t'accueillir. Ah bah ça sera avec plaisir. Ans, et Serge. Serge, comment c'est valise, j'arrive. Je vais t'appeler, Serge, comment il s'appelle Bernard? Ah oui, Serge Gouard. Non mais, je plaisante. Non mais t'as raison. Non mais on a le droit de déconner à la radio. On a le droit. Non parce que moi je suis un pote à Olivier Carré, c'est pour ça. T'es un pote à Olivier Carré? Ouais, Olivier, ah, oui. Il est venu souvent à la radio et Serge, il est jamais venu, mais il a accepté mon invitation, il est jamais venu. C'est vrai? Ouais, je le lance au passage. Ah bah écoute, monsieur Gouard, si vous nous écoutez. Non, j'appelle Sergio, moi. Ah, tu l'appelles Sergio? Ouais, c'est peut-être pour ça qu'il vient pas, en fait. C'est peut-être pour ça, ouais, il a peur de moi. Bon, est-ce que tu lui as dit qu'il y avait un café le matin? Ah ouais, il y a eu café sans sucre, si vous voulez. Ramène des croissants. Ah ouais. Faut faire quelque chose. Serge, viens nous voir. Mais Serge. Oui, viens voir Francky. Parce que le nouveau maire d'Orléans, il est en face de moi. Et, Le futur. Le futur, voilà. Ouais. Donc, dans quelques années, tu vas prendre tes valises. Hein, et t'as bien, il arrive. Et moi, je viendrai. Et tu viendras, et en voiture James Bond? Non, en voiture normale, j'ai pas les moyens, mais. Oh bah, tu pourrais, hein. Il y a Joël qui peut te prêter la voiture, il va dire. Ah, il peut me prêter la voiture. Ouais, mais James Bond ne conduit pas de Porsche. Ah ouais, mince. Comment on fait? Ah bah on sait pas. Ça fait des années que je le motive à acheter une autre voiture, mais il veut pas. C'est vrai, il veut pas acheter une voiture. Non, il veut pas acheter une voiture de James Bond. Il y aura un prochain James Bond. Oui. On parle sur l'avenir, bien sûr. Oui. Il y en a forcément. Il y aura. Alors, à la fin de. Ah non, on n'a pas le titre. Mince, à la fin de chaque j'aurais James Bond. J'ai aucune exclusivité avec toi ce matin. Ah non, bah écoute, tu sais, je suis pas dans les petits papiers de Barbara Broccoli, mais. C'est qui Broccoli? C'est quoi? Dans les choux-fleurs, non? Ah non. Barbara Broccoli, c'est la productrice avec son demi-frère Michael J. Wilson de James Bond. Ils ont annoncé que le prochain James Bond sera annoncé en 2022, donc il y aura bien un nouvel acteur. Ils vont commencer à tourner, non? Ah non. Ça sera plus Greg? Ah non, Daniel Craig, c'est fini. Ah mince. Ah non, bah, Katia l'adore, elle m'a dit, il est sexy, oh là là. Ah oui, Katia a dit ça? Ouais, bah, le pécho à mon ami. Hein. Ah bah il va être libre, hein. Il va avoir beaucoup plus de temps. Ah bah, voilà. Donc Katia, si ça t'intéresse, Craig, il est bientôt dispo. Voilà. Ah bah là, il va bientôt être disponible parce que c'est terminé. De toute façon, il y aura un nouvel acteur, James Bond Will Return, comme on dit à chaque fin de film, James Bond reviendra. T'as jamais postulé, toi? Oh bah écoute, j'ai ni le physique, ni le niveau en anglais. Ouais, je sais. Mais... Non, mais... On m'a fait des propositions, mais c'est ça vrai. Payait pas assez. Arrête tes conneries. Non mais on aime bien avoir des mythos le matin à la radio. Ah oui c'est vrai. Qu'est-ce qui te fait croire ça? Non, j'ai le physique, rigole. Tout va bien. T'es dans l'humour, nous, bien bah, sûr. Sais bien. Non, on adore déconner ici. Alors, regarde, j'ai plus de cheveux. Ah bah t'es comme moi, on a le même coupe, t'as vu. Ouais, je suis un petit gros, qu'est-ce que tu veux. Oh, bah, je ne fais ouais, pas rêver Cathy si demain je devenais James Bond. Ah ouais. Bon bah Florelle elle a gagné, on peut rien faire, tu peux passer le message. Bon bah tant pis, Florelle elle a gagné. Ouais, mais, moi je sais pas ce qu'elle a gagné, mais elle a gagné. Moi je sais ce qu'elle a gagné et je l'embrasse, je lui fais un très gros bisou. Ah bah voilà, et bah voilà. Et oh, t'as plein d'amis qui t'écoutent le matin, c'est marrant. Bah ouais, ouais. Et les gens ils se sont levés pour toi quoi. Bah ouais, faut croire que j'ai des amis. On a les amis qu'on mérite et que comme je pense que je suis un bon ami. Voilà, ça doit être ça mon ami. Donc c'est ça, voilà. Bon, d'autres projets alors, monsieur Damien Nassiri sur James Bond. Ouais, bah bien sûr, pas projet personnel. Ah bah tu fais ce que tu veux de ta vie. Bah sur James Bond, oui, il va y avoir une belle photo hein, de toi là, que j'ai reçue là. Je vais pas la poster, hein, j'ai un respect, mais merci. Tu ressembles à Sophie Marceau. Hein. Ah oui, tu ressembles à Sophie Marceau, ouais, mais de loin, vraiment. Plus à Sophie qu'à Marceau. Plus mais... à Sophie qu'à Marceau, ouais. Non, bah en projet, non normalement, bah le club James Bond, on va continuer à fond, on va augmenter encore plus. Le Planet 007, écoute, on a à peu près une vingtaine ou une trentaine d'adhérents en plus par jour en ce moment. Mmh. On est porté un peu par le film, donc voilà. Donc, Live and Let Live, l'émission le mercredi soir. On a, allez voir, vraiment, c'est fait de très très bonne qualité. On a un réalisateur et on a Mathieu Pariot qui est le grand grand Manitou de Planète 007. Mmh. Voilà, on fait un boulot de dingue. On se casse la tête. Franchement, c'est bien. Tout ça, c'est gratuit, c'est bénévole. Quoi. Tout est gratuit, tout est bénévole. Vous êtes pas payé par Universal. On est payé par personne. Ça nous coûte de l'argent. Vous avez eu des nouvelles temps d'Universal? Ils vous contactent? Non, même pas. Non. Non, mais je rêve. Par contre, ce qu'on a, c'est. Mais le boulot que vous faites, faut le respecter. À un moment, il pourrait dire, enfin, je sais pas moi, mais ouais. Mais nous, on fait pas ça pour quoi que ce soit. D'abord, on a eu la chance de voir le film 8 jours avant tout le monde. Ouais, ça c'est déjà pas mal. Ouais, c'est bien. Tu vois ce que je veux dire? On a voilà, c'est-à-dire que ce soit le club James Bond France, et nous on est partenaire, Planète 007, c'est vraiment partenaire avec le club James Bond. On a réussi à voir le film avant tout le monde. Moi, si tu veux, la semaine dernière, on aurait pu en parler. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il y a peu de gens en France. Là, je suis fier de te recevoir parce que le film il sort aujourd'hui, on va dire officiellement. Oui, il sort officiellement aujourd'hui. Ce soir, vous allez le voir sûrement sur les écrans. Oui. Et puis là, tu l'as vu hier soir en exclusivité. Moi, je l'ai vu mardi il y a 8 jours. Mardi, il y a 8 jours déjà. Ouais, exactement. Donc, Hier soir c'était le même, ils avaient rien changé, mais tu vois, ce qui me plaît, c'est qu'hier soir, le film a fini quand même, il était minuit, un peu plus de minuit, la salle était pleine. C'est-à-dire que c'est vraiment un film attendu, ça va être c'est le renouveau du cinéma, parce qu'il faut voir quand même qu'on sort d'une crise d'un an et demi où les cinémas ont été fermés, que les films n'ont plus fonctionné, nous on a vraiment cru que le film on allait le découvrir chez nous, à la télé, en VOD. Et ils se sont battus, Universal et la MGM se sont battus pour qu'on puisse voir le film au cinéma, et un James Bond ça se découvre au cinéma. Bon, juste pour aller chez nos auditeurs qui vont aller voir le film ce soir, raconte-nous un petit bout, nous dire voilà, il y a eu ça, allez, sans spoiler, voilà, juste un petit truc marrant. C'est ce que je te disais. Il y a plein de... Oui, alors d'abord une scène rigolote ou une scène bastonne un peu là. Ah, il y a des scènes où la scène à Matera, la scène d'ouverture en Aston Martin, je peux le dire parce que dans toutes les bandes annonces on les a vues, donc je ne spoil pas vraiment les gens. Il y a des gadgets à gogo, il y a une course-poursuite à Matera qui est vraiment, vraiment sympa. Faut que tu viennes dîner ce soir, il a dit Joël. Non mais je dis lui que je ne suis pas libre. Faut vraiment que t'ailles dîner ce soir. Ah non, je peux vraiment pas. Le mercredi soir, c'est impossible. En tout cas, un beau film à ne pas rater ce soir sur les écrans. Ouais. Mourir peut attendre. Mourir avec, peut attendre. Aujourd'hui, on est l'exclusivité d'avoir Damien Nassiri, membre du club James Bond France, s'il vous plaît. Bravo, bien entouré de belles personnes aussi qui t'aident C'est un travail d'équipe. Moi, je ne suis qu'un petit maillon du truc. Oui, mais quand même. Voilà. Il y a Mathieu Pariot, il y a José Mora Dubec, il y a Dominique Kieffer, Géronimo, il y a Emmanuel Michel. Géronimo, c'est un Indien? Non. Il va être content quand il va écouter le podcast. Passer du message. Salut Géronimo. C'est Géronimo, mais. Ah, Géronimo, Géronimo. Mais c'est parce que tu sais, c'est des pseudos sur Internet, les mecs, les mecs, ils veulent pas qu'on sache leur vrai identité. C'est quoi ton pseudo, toi? Moi, c'est Damien Nassiri. Ah ouais, carrément. Ah non, il y a pas de pseudo. Moi, tu sais, t'as mis la photo de profil, celle qu'on m'a envoyée, là, non? Non, j'ai pas vu. Bah, la photo avec Sophie Marceau, là, où tu ressembles à Sophie Marceau. Ah oui, oui. Ils sont cons. Ouais, c'est vrai. Et ils abusent quand même, tes copains. Tu sais qu'ils écoutent, là. Mais je sais qu'ils écoutent. T'as un message à leur faire passer à Joël et Olivier, qu'ils sont super. Super mecs. Hein. Si je pouvais avoir des amis que comme eux, je serais l'homme le plus heureux du monde. Je les embrasse. Gros, gros, gros, gros bisous à eux deux. Bah, j'embrasse aussi Florel. Ouais. D'ailleurs, Christophe, pas très loin. Christophe, il doit pas être loin, mon ami. Oui, à mon avis, il doit pas être très loin de Florel. Bah, Donc, voilà. Et j'embrasse tous ceux que je connais, parce que je pense qu'il y a pas mal de gens du club qui doivent écouter parce que j'ai fait pas mal de pubs et on va à mon avis beaucoup écouter un podcast. Bah t'auras le podcast dans l'après-midi, je t'enverrai le lien. Et Katia qui nous dit attends, bah à 53 ans, il y en a beaucoup des mecs qui aiment gauler, qui aiment être gaulés comme Craig. Ouais, mais pff, ouais, oui, bon aussi, bah d'accord, moi, bah, moi aussi. Moi, à l'époque, je faisais 1m80 à l'époque quand même. Ah oui? Ah ouais, à l'époque. Mais... Putain, tu t'es tassé quand même. Ouais, c'est soucis. Les soucis, ça m'a tassé. T'as vu? 1m80, j'avais les cheveux jusqu'aux épaules, le teint allé, j'étais musclé. Mais pareil! Non, bah t'as vu, je ressemble à Joël maintenant. Non, Joël, il est plus musclé quand même. Ouais, c'est vrai. Il est beau gosse. Il a de beaux restes quand même. Il a un teint allé. Oui. Ah. Et Non, il est beau gosse, moi, je trouve. Ouais, ah bah oui, complètement, oui. Ouais, ça va. Ah non, c'est un très très beau mec, hein. Moins beau que moi, mais bon, beaucoup moins jeune aussi. Avant de se quitter, parce que tu bosses ce matin. Ouais, je vais aller travailler. Ouais, il faut aller bosser, bah ouais, c'est pas que James Bond. Non, parce que ça me rapporte rien, ça me coûte plutôt de l'argent. C'est ça. Mais c'est une passion en vrai, c'est ça la passion. Ah non, mais la passion, ça n'a aucun prix. Voilà, exactement. Et attends, je voudrais juste finir sur un petit truc. On n'a pas fini. On a pas fini. Il nous reste 3-4 minutes là. Ah bah super. Tu voulais dire quoi? Bah, je voulais quand même dire. Daniel Craig, c'est un chanteur. Je voulais quand même dire que Cocorico, on a quand même beaucoup de Français dans ce film-là. Il faut savoir quand même que Léa Seydoux, Madeleine Swann, on a Dali Ben Salah qui joue un très très grand méchant dans James Bond, j'en dirai pas plus, qui joue Primo. Et j'ai aussi la chance d'avoir interviewé et d'avoir revu la semaine dernière Olivier Schneider, qui est le mec qui a fait toutes les cascades de James Bond. Ouais. Et c'est un Français. Et ça, c'est des choses qu'on ne sait pas, et c'est un mec formidable. C'est un type extraordinaire. Tu parles de la France. Il y a eu des James Bond tournés à Paris. Ah oui, bah Paris. Il y a eu Dangereusement Vôtre, qui est le dernier film de Roger Moore. Toi qui aimes Roger Moore. Ouais, j'aime bien. Bon, on m'a dit qu'il était l'autre partie. Bah, après, j'y crois pas. Arrête, mais il faut arrêter. C'est ce qu'on me dit, moi. Bah, moi, je te jure que non. Bon, bah, d'accord. Donc, sûr. Ah oui, je suis sûr. Et il y a Marie-France Vienne qui est présidente du club Roger Moore, qui est une Belge que je connais bien et qui te soutiendrait que c'est pas possible. Donc voilà, non, on est assez bien informés là-dessus. Bah, j'espère bien. Mais par contre, ouais, il y a eu Dangereusement Vôtre qui a été tourné à Paris. La scène où il saute de la Tour Eiffel, qui casse la Renault 11. La Renault 11 à l'époque. Ouais, la Renault 11 coupée en 3 de Rémi Julien. T'as déjà vu la scène? Rémi Julien, qui est décédé. Ouais, cascadeur. Aussi. Ouais, super. Un des plus grands cascadeurs, les plus grandes courses. Oui, et puis il est de la région. Il est de la région. Montargis, je crois. À côté de Montargis, il était de Néploie. Voilà, Néploie, exactement. Néploie ou Ladon, je sais plus. Bon, du Loiret en tout cas. Loiret. Voilà, le Loiret. Donc, il y a un autre cascadeur du Loiret qui est de dans le film Mourir peut attendre. Il y avait un article hier. L'appelle, tiens. Il faut que tu l'appelles. Bah, je vais l'appeler, attends. Je vais te donner son nom. Ouais, donne-moi son nom, je vais le donner tout de suite comme ça. Oui. Excusez-nous, on est en direct. On fait ça en direct. Bah, c'est du live avec mon ami Damien. Moi, c'est mon ami maintenant, Damien. Bah, maintenant, on est copains. On s'est croisés 2-3 fois, mais là, c'est. Bah, je suis venu manger dans ton restaurant. Ah, c'était pas mal. Ouais. Et puis. On a passé une bonne soirée. Ah, bah, on s'est bien marré avec les deux folles, là. Je salue mes amis au passage. Salut Joël, salut Olivier. Je vais rabasser fort. Si on n'était pas sûr que c'était vous, maintenant, on est convaincus. En tout cas, des deux super mecs. Hein. Mais je te donnerai le nom tout à l'heure. Ouais, me le donnes en antenne. Ouais, je te le donne en antenne. On va essayer de le contacter. Bah oui, pourquoi pas. Bon, bah voilà, on en a pris pas mal aujourd'hui. J'espère. Sur ce club France 007. Le club le plus actif au monde. C'est vrai? Bien sûr. Je crois que le plus grand nombre d'adhérents est le plus actif au monde. Je crois que c'est le club. Bah continue cette belle passion, en tout cas. Merci. Ça fait plaisir de recevoir des gens à la radio comme toi qui font vivre. Alors que ce soit James Bond ou autre, hein, mais là on parle notamment de James Bond. Et franchement, c'est bien. C'est pas facile tous les jours pour tout le monde. Hein. Ben non. Salut amigo, pour Rémi Julien, c'est ce poids signé Fafa. Ah, oui, c'est ce poids, voilà. Ah, voilà. Effectivement, toi. C'est ce poids. On peut pas dire de conneries à la radio. Ah non, on putain. Suit, t'as vu les gens comment ils sont arrêtés. Je me souvenais plus du nom, mais c'est ce poids, ouais, effectivement. Ce poids, voilà l'ami. Ouais. Merci Fafa. Merci Fafa. Voilà, merci mon Fafa. Il nous a donné la bonne ville, ce poids. Eh bien, rendez-vous aux prochaines sorties du film. Eh ben, écoute, je reviendrai te voir pour le prochain James Bond. Avec plaisir. Ou avant, tu peux venir avant. Bah, écoute, tu m'invites quand tu veux. Eh ben, voilà. Bah, je t'invite quand tu veux. Bah, tu m'appelles ou tu m'envoies un message. Ouais, ou sinon, je passe prendre le café avant d'aller au boulot. Eh ben, voilà. Et tu sais où est la radio, maintenant. Maintenant, je sais où est la radio. Je regarde aux caméras. Dès que je vois ta tête, bah, j'ouvre pas, hein. Voilà, c'est ça. Damien Nassiri, merci d'avoir été notre invité sur Radio Couleur ce matin et d'avoir parlé de cette passion James Bond 007. On vous rappelle que le film, eh bien, tu as été le voir il y a déjà 8 jours et hier soir encore. Et ce soir. Et il sort ce soir dans toutes les salles de France. Voilà, Mourir peut attendre. Allez dans les salles ce soir et puis n'hésitez pas à aller sur ta page YouTube. Hein. Planète 007. Et la page Facebook, Planète 007, et le club James Bond France, abonnez-vous, venez nous rejoindre, on s'éclate, on s'amuse, et c'est super. Eh ben c'est super, on se quitte en beauté. Merci Francky. 007. Merci, à bientôt. À bientôt. Salut, ciao. En direct à la radio, ça nous a fait plaisir. Bond, James Bond. Vem comigo dançar. Lucenzo demain, Daddy Yankee, belle journée, bon réveil à Saint-Yves, à Changi, à Orléans. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter le matin. Et on était heureux de recevoir ce matin Damien Nassiri. Alors il est venu de bonheur parce qu'il travaille. Bah ouais, hein, la passion de James Bond, ça paye pas forcément. Donc bah, il faut aller bosser un peu pour gagner de l'argent. En tout cas, ça nous a fait plaisir de rencontrer cette belle personne, membre du club James Bond France. Le film est dans les salles aujourd'hui, n'hésitez pas. Mourir peut attendre, alors va-t-il mourir? Et bien la réponse, si vous allez voir le film ce soir. Et justement, si vous allez voir le film, ben, vous me raconterez demain. Hein, voici Chiran avec Bad Hair Remy. J'adore le matin, vous portez au boulot comme ça, en voiture, en direction le taf. Ouais, pas facile, mais là, avec Ed Sheeran, Bad Habit, heureux d'être avec vous, c'est Francky dans la radio. Et quel personnage, ce Damien, quel personnage. Lui, faut que je le réinvite, hein, faut que je le réinvite, hein, y a pas de problème, c'est Francky, jusqu'à 9h. Et puis le son qui nous vient du soleil, histoire de vous donner la bonne humeur aujourd'hui, parce qu'il y aura du soleil, on va faire la météo, puis l'horoscope qui arrive. C'est la Bina. Hacia otro lugar, yo me quedé soñando luces. êtes le meilleur de la musique latine avec Alabina Maria Maria. Côté météo aujourd'hui, on est bien. On est bien, vous allez pouvoir bronzer. Eh ouais. La météo. Oui, Evelyne Delia, la météo pour ce matin. Les températures sont fraîches au lever du jour, hein, 5 petits degrés. Et on va grimper, 17-18 degrés. La bonne nouvelle, c'est que le soleil, avec quelques petits nuages au début de matinée, mais rien de grave, sera au rendez-vous. Et normalement, demain, encore du soleil. Ça, c'était pour vous rassurer toute cette semaine. Coucou à Émilie, qui est du côté d'Orléans, qui nous salue. Salut Francky, merci de cette bonne humeur. Et puis merci pour avoir invité ce fan de James Bond. Moi aussi, je suis fan de 007. Voilà, peut-être vous aussi. Eh bien, appelez-moi justement qu'on en parle à la radio. 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard. Et puis, juste avant l'horoscope, Kevin Kinvey, il a écrit son premier titre, J'aimais trop qu'elle m'aime, vous savez, à Chingy, du côté d'Orléans, par SAP, Saint-Ange Production, du collectif Métissé. Il l'a écrit là-haut à Chingy, on en est fier. Voici un métier sérieux, Kinvey. Bon réveil du côté de Saint-Y, cette belle Porsche qui circule blanche. Si vous la repérez, vous m'appelez 02 38 43 48 00. Et le petit cadeau, les écouteurs portables pour vous, Radio Arc-en-Ciel, et bien c'est pour vous. Bon week-end, bientôt. Bah ouais, c'est bientôt le week-end qui arrive. Allez Kevin, vas-y. Je ne pense que ma mère va encore inventer ce souci. Car l'année dernière, elle m'a posé quelques soucis. Elle se lève pour un verre, elle s'adresse à moi et me dit: maintenant que tu es centenaire, faudrait penser à ta carrière. Je préférerais que tu sois fonctionnaire. Au moins je saurais que je n'aurais plus de soucis à me faire. Il serait temps que tu te trouves une femme et que tu me fasses des petits enfants. Que tu fasses un peu plus l'état d'âme et que t'arrêtes de vivre à mes dépens. Que tu te trouves un métier sérieux. Avec un métier sérieux. Bah ouais, il faut faire un métier sérieux, pas comme nous. Animateur radio, c'est pas sérieux. Non, pas du tout. Bon réveil et bon petit déj. Le... l'horoscope, c'est maintenant. Et ouais, l'horoscope, et on démarre avec les béliers ce matin. Une remise en question s'impose, prenez du recul et faites le bilan de vos actions passées. Les taureaux, vous devez peut-être revoir votre jugement à l'égard d'un des membres de votre famille. L'horoscope pour les gémeaux, des événements surprenants pourraient survenir dans votre vie amoureuse aujourd'hui. Les cancers, vous finirez par mettre la sensibilité de vos proches à rude épreuve si vous ne changez pas d'attitude. Eh ouais, les cancers, faites des efforts. Les lions, en couple, vous vous sentirez en confiance avec votre partenaire et vous ferez des projets à long terme. Les vierges, vous aurez du mal à vous entendre avec les membres féminins aujourd'hui de votre famille. Prenez sur vous pour éviter les conflits. Les balances, vous aurez enfin du temps à consacrer à votre petite famille en couple. Un dîner aux chandelles est possible ce soir. Les scorpions, il y aura des tensions dans l'air dans votre relation amoureuse. Alors, prenez garde et prenez les devants. L'horoscope pour les sagittaires, ne restez pas sourd aux conseils de vos amis. Sauf si c'est Bernardo, bah oui, dans Zorro, bah oui. Il vous tend la main, ne la refusez pas, c'est super important pour aujourd'hui. Donc les conseils des bons amis, des fois, sont les meilleurs. Ou pas, ça dépend des amis, ouais, c'est vrai. Moi j'en ai deux super, je les salue d'ailleurs, Joël et Olivier au passage. Bandia la famille, l'horoscope pour les capricornes. Un vent de folie traverse votre vie affective. Alors profitez de cette belle matinée, que du bonheur pour vous les capricornes. Les Verseaux, vous pourriez faire une découverte susceptible d'animer votre fort agréable aujourd'hui, d'animer aussi votre journée. Alors profitez. Et enfin, les poissons, montrez-vous attentif et tendre envers votre partenaire. Vous risquez d'avoir une surprise désagréable, surtout en fin de journée. Chichi, chouchou, chocolat. C'est quoi le planning de ce matin, le petit-déj? Chocolat? Eh bien voici l'artiste qui arrive avec Awa Imani, c'est chocolat. Belle journée et bon réveil. T'as voulu qu'on s'évade comme Bonnie and Clyde. J'ai voulu percer ton cœur en titane. J'ai vite compris que je n'étais pas taille. Baby, alors on va où? On fait quoi? On s'enfuit loin d'ici. On est là. On est si différents, c'est ce qui nous attire. Bang bang bang, autour ça tire. Viens avec moi si t'es prête à partir. Je veux pas rester là, ils veulent nous en servir. Baby, alors. Ses yeux se sont posés sur moi, il m'a eu, oh. 7h57 minutes en direct de Radio Arc-en-Ciel 96 de Orléans. Merci de nous écouter. Ça fait plaisir parce que vous êtes vraiment nombreux le matin. Et Christophe qui est là, José qui est là, l'autre José aussi. Bah oui, bon bosser les gens le matin. Salut la famille. L'un des DJ français qui cartonne en ce moment, c'est DJ Huggle avec Bella Ciao. Bah forcément, vous connaissez la série, hein, La Casa del Papel. Voici le remix. Sento di seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fiore. Google, La Casa del Papel, le professeur. Aurélien avec vous, c'est Francky dans la radio et c'est jusqu'à 9h. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. J'ai des bons plans ce week-end, sortie culturelle. Si vous voulez faire un peu de vélo, eh bien voilà, le sport est à l'honneur. C'est ce dimanche, le 10 octobre, Orléans, vélo tour, 15 à 20 km. Vous allez pouvoir faire du vélo sous terre, sur la glace, pourquoi pas, ou visiter un musée en vélo. Eh bien rendez-vous ce dimanche sur Orléans Vélo Tour. Toutes les informations sur le site orléansmétropole.fr. Un peu de tendresse dans ce monde de brut, et moi j'adore l'Italie, on adore l'Italie, avec une fille qui est magnifique. Là, Pod Zini sur la radio couleur, la solitudine, c'est sur votre radio couleur 96.2 FM. Voici la Ora Pod Zini. Marco se n'è andato e non ritorna più. Il treno delle 7:30 senza lui. È un cuore di metallo senza l'anima. Nel freddo del mattino grigio di città, a scuola il banco è vuoto, un Marco è dentro me, è dolce il suo respiro fra i pensieri miei, distanze enormi sembrano dividerci, ma il cuore batte forte dentro me, chissà se tu mi penserai, se con i tuoi non parli mai, se ti nascondi come me, sfuggi gli sguardi e te ne stai rinchiuso in camera e non vuoi mangiare, stringi forte a te il cuscino e piangi e non lo sai,

soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Ouais, faut l'appeler Gims maintenant, pas Maître Gims, mais Gims avec Bella, le meilleur du son. 8h11 minutes. Merci à Damien d'avoir accepté notre invitation, hein. Fan de James Bond 007. On en a pris plein ce matin sur James Bond. Et puis, n'hésitez pas. Le film dans les salles ce soir. Bah ouais, mourir peut attendre. Allez, allez le voir et vous nous racontez demain. Promis? Allez, voici Leslie. Et tu me manques sur la radio couleur. Bon réveil et belle journée. Courage à vous si vous allez bosser. C'est Francky dans la radio. Depuis que t'es terminé, je t'ai cherché. Tant d'autres amis, aucun n'a pu me saisir comme je me suis saisie de toi. Et on s'appelle, il nous faudrait bien plus que des hommes. give me several nino. Let me climb you, let me show you my libido. What kind of bitch will both say love you? It's simple, it's real, I adore you. Keep it slow and fast, nino. Let me climb you, let me show you my libido. I'm falling in love, night to dawn, I'll make you laugh. Baby boo, I love you, love you. J'adore Leslie avec Ali Arma. Tu me manques, c'est vrai, vous nous manquez le matin. En tout cas, vous êtes là, peut-être dans les bouchons. Belle journée, bon réveil. La météo pour aujourd'hui. La météo. Et aujourd'hui, le temps est plutôt pas mal. Quelques nuages en ce début de matinée. Ça caille un peu ce matin. 5 degrés au lever du jour. On va monter quand même jusqu'à 17-18. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et le soleil avec quelques nuages sera présent tout au long de la journée. Normalement, si tout va bien, une semaine plutôt pas mal. Et ça, c'est de très bonnes nouvelles qui arrivent. Et puis du son avec I Feel So Bad et Cougs sur la radio couleur. Belle journée et courage à vous si vous allez bosser. I Feel So Bad. So in love. Stéphane qui nous dit les bouchons, la galère en Orléans. Bah ouais, comme d'hab mon ami, bah oui. Appelez-nous si vous êtes dans les bouchons, là, 02 38 43 48 00. Et puis une reprise que j'aime bien, celle de Kenji Girac, La Gitane de Félix Grave. Félix Gray, pas grave, Félix Gray, pareil. Belle journée, courage à vous pour le taf. Comme un artiste à l'enfer, comme un enfant qui se perd. qu'elle m'aime, je ferai n'importe quoi. Kenji Girac qui reprend Flex Gray, la gitane sur la radio couleur. Belle journée, on est en direct ce matin jusqu'à 9h. Et puis notre artiste qu'on adore, en Lusitano, Marc Quito, on aura Jean-Luc Lay pour les souvenirs et femmes. Não ando nada sem trabalho, a demora nunca é sacada. Chegou a hora, já estou cansado. Eu vou agradecer a bebida que me faz tanto esquecer. A loucura do meu mundo que anda a sofrer. Gosto do fim de semana. Vou te dizer quem eu sou. Lusitano, cheio de amor. Orgulhoso que eu vou. Um conquistador de ser. Vou te dizer onde eu vou, lá pra frente tem mais sabor. Invejoso não sou, é que lá só pode ser. É que lá só pode ser. É que lá só pode ser. Já chegou a hora, vamos lá dançar. Hoje é festa, ninguém chora. Vamos namorar. Eu só quero alegria, igualdade, fantasia. Quero força, energia, deixa andar a magia. Vou te dizer quem eu sou. Lusitano, cheio de amor. Orgulhoso eu vou. Um conquistador ser. Vou te dizer onde eu vou. Lá pra frente tem mais sabor. Invejoso não sou. Pertilha só pode ser. Pertilha só pode ser. Sem trabalho a demora, nunca é sacada. Chico a hora, já estou cansado. Eu vou agradecer a bebida que me faz tanto esquecer. A loucura do meu mundo que anda a sofrer. Gosto do fim de semana. Vou te dizer quem eu sou. Lusitano, cheio de amor. Orgulhoso eu vou. Um conquistador ser. Vou te dizer onde eu vou. Mais sabor, invejoso não sou. Pertilha só pode ser. Já estou a hora, vamos lá dançar. Hoje é festa, ninguém chora. Vamos namorar. Eu só quero alegria, igualdade, fantasia. Quero força, energia. Deixa andar na magia. Vou te dizer quem eu sou. Lusitano, cheio de amor. Orgulhoso eu vou. Radio Arc-en-Ciel avec Marc Quito, Lusitano. Le soleil est au rendez-vous aujourd'hui avec quelques nuages, mais ça, ça fait plaisir. Et toute la semaine, normalement, il devrait être là. Et ça, je peux vous dire, on va pouvoir passer quelques temps sur le fauteuil à se faire bronzer ce week-end. Pourquoi pas? Bah ouais, c'est ce que dit Grégoire. Moi, je vais passer mon week-end à la maison, à bronzer s'il continue à faire beau comme ça. Normalement, du beau temps toute la semaine et puis du soleil aussi juste avant le remix de Jean-Luc La Femme. C'est Sarah qui s'y colle avec la version fraîche d'Espacito. Courage à vous si vous allez bosser. Oui, tu sais que je te regarde depuis un moment. Je veux danser avec toi maintenant. J'ai déjà remarqué comment tes yeux m'appelaient. Donne-moi le chemin, je le suivrai. Toi, tu es comme un aimant et moi le métal. Et me rapprocher de toi devient vital. Juste d'y penser, je sens mon cœur qui bat. Oh, oh, oh, moi, je ne suis pas dans mon état normal. Car ce que je ressens n'est pas très banal. Je sais que je pourrais très bien vivre avec ça. Tout doucement, moi je vais respirer ce parfum dans ton cou. Permets-moi de te dire à l'oreille des mots doux. Que tu y penses encore quand je suis loin de toi. Tout doucement, te prendre dans mes bras lentement, t'embrasser. Masquer sur les murs de ta vie, de ton passé. Je sais aujourd'hui que toi seul me guidera. Je veux voir ton corps danser, je veux suivre ton rythme. Que tu apprennes à mes lèvres. Ces endroits que je ne connais pas. veux que tu danses. Et je te promets qu'avec moi ton cœur va faire bam bam. Je sais ce que tu veux, alors laisse-le faire bam bam. Goûter à ma bouche et dis-moi comment tu te sens. Je veux en fait savoir ce que tu ressens. Je ne suis pas pressée, l'important est de faire le voyage. Partir lentement puis devenir sauvage. Zap, zap, zap, zap. Je me rapproche de toi, je laisse passer le temps. Je m'en fais pas. J'aime quand tu m'embrasses, j'aime quand tu m'enlaces. Je vois ta malice mais toujours avec la zap, zap, zap. Je me rapproche de toi, je laisse passer le temps, je m'en fais pas. C'est vrai que ta beauté est pour moi un dilemme. J'ai trouvé la solution à ce problème. Je veux voir ton corps danser, je veux suivre ton rythme. Que tu apprennes à mes lèvres, c'est un droit que je ne connais pas. Je ne connais pas, baby. Laisse-moi aller au-delà de toutes les limites. Avant que le jour se lève, peur que jamais tu ne m'oublieras. Tout doucement, je nous vois sur une plage à Puerto Rico. Nos corps dans les vagues avec le vent dans le dos. Je veux qu'à jamais tu te souviennes de ces mots. Zap, zap, zap, je me rapproche de toi. Je laisse passer le temps, je m'en fais pas. Que tu apprennes à mes lèvres ces endroits que je ne connais pas. Valère Poncel avec ce cover de Sarah H que vous adorez à la radio. Allez voir sa page YouTube, vous allez voir, elle fait plein de reprises. Sarah H et Despacito, la version French version. Et puis Pascal qui souhaite un bon anniversaire à sa maman aujourd'hui qui fête ses 72 ans. Bon anniversaire Elodie, voilà, 72 ans. Et bonne journée à toi mon Pascal. Toutes les femmes qui les écoutent, c'est Jean-Luc Lahaye, 1983 et femmes. Ce matin dans les voitures peut-être, en train de se remaquiller dans les bouchons sur la tangentielle. À vous, rien qu'à vous. Et on vous rappelle que la radio est partenaire de Tony Carrera qui sera le 21 janvier au Zénith d'Orléans. Un concert à ne pas rater avec la radio arc-en-ciel. On aura peut-être des places à vous faire gagner VIP. Le meilleur du son avec la Madone qui arrive, un de ses meilleurs titres pour moi, Vogue. On aura aussi du Zouk avec Darina, Victory, Laisse-moi t'aimer. Et c'est la Madone qui s'école pour vous réveiller, peut-être vous qui sortez du lit, qui commence à 9h30, 10h. Voici Vogue sur Radio Arc-en-Ciel. Grace Kelly, hollow jean, picture of a beauty queen. Jean Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, dance on air. They had style, they had grace. Rita Hayworth gave good face. Lauren Kaplan, Manitou, Betty Davis, we love you. Ladies with an attitude, fellas that were in the mood. Don't just stand there, let's get to it. Strike a pose, there's nothing to it. Let your body go. Vogue, Vogue, la Madone sur la radio couleur. Belle journée, bon réveil. Eh ouais, je sais, c'est pas facile, mais bientôt le week-end qui approche, et puis de la douceur avec Je vais t'aimer, laisse-moi t'aimer. Voici Darina Victory sur la radio couleur. On dit l'amour parfait, ça n'existe pas, mais ça c'est pour ceux qui ne l'ont jamais connu. Jamais vu mon bonheur à moi, je l'ai dans tes bras. Tu me rends heureux, avec toi j'ai le meilleur. Tu as ravi mon cœur, tu es. C'est barré collé. Donc laisse-moi chanter devant papa et maman, devant ta famille et ma famille, devant tous nos amis. Laisse-moi chanter devant monsieur le maire, devant nos amis et même devant nos ennemis. Que aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Exprimer mon amour, je vais juste t'aimer, t'aimer, t'aimer, t'aimer, t'aimer, t'aimer, toujours mon bébé, oui, je vais t'aimer, t'aimer. Darina Victory, ça c'est une demande de mariage. Bah ouais, forcément. Je vais t'aimer, on vous aime le matin. 8h39, il nous a quitté un 25 décembre. Et j'en suis vraiment triste. George Michael, déjà 4 ans, ça passe. Hein, avec False Love, belle journée et courage à vous si vous allez au taf. Le soleil est au rendez-vous et ça c'est la bonne nouvelle. Made my way into the night. All that. Michael Fetzlow, on a connu le sample funky d'ailleurs de Knock Me Out, se renaît avec vous, continue dans la radio. Plein de souvenirs avec Zaz qui arrive ébloui par la nuit et le jour ce matin. Belle journée sur Radio Arc-en-Ciel. Votre réveil matin, c'est Francky. 7h-9h, Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Un bonjour à l'antenne, appelle le 02 38 43 48 00. Si te digo lo que fuiste, un ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba eternamente, y a tu lado como nunca me sentí, y por eso cosa rara de la vida, si un beso de tu boca yo me di. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderme contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, solo conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, sin dejarme de quererme, no hay cuidado que la gente de eso se enterará. Que ganó por decir que una mujer cambió mi suerte, se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. No te asombres si te digo lo que fuiste, un sin dejarme de quererme. No hay cuidado que la gente de eso se enterará. À 8h49, là j'ai mis toute la famille, hein, les Chico and the Gypsy, Amor, les Mis Amore. Bon réveil à Linda qui nous écoute depuis Orléans la Source. Salut les sourciens qu'on salue au passage, oui, toute ma jeunesse là-haut. Et puis il y a un DJ que j'adore en ce moment, Purple Disco Machine avec Sobi and the Gans. On adore, c'est Hypnotized, c'est sur la radio couleur. All the screens of their lives, screaming into space to drown them out. I fell down so low, don't know where to go, but I know you wait for me. You wait for me. So far out of sight, stepped into the white, but I know you wait for me. I'm coming home, I'm coming back down tonight, 'cause I've been hypnotized by the light. But I'm coming home, I'm coming back down tonight. Yeah, it's taking time to realize, but I'm coming home, I'm coming back down tonight. So hold me tight, I just wanna fade out. Somewhere we can shut the world away. I'm ready to hide, far from the fallout. They won't find us in the paradise we made. I fell down so low, don't know where to go, but I know you wait for me. You wait for me. So far out of sight, swept into the white, but I know you wait for me. I'm coming home, I'm coming back down tonight, 'cause I've been hypnotized by the lies, but I'm coming home. On adore la radio, hein. Purple Disco Machine avec Sofiane Degant, Hypnotized, le coup de cœur de la radio. Puis ça danse du côté de Blois, bah ouais, dans les bureaux, vous pouvez commencer à danser dans les voitures aussi. On est heureux de vous retrouver, c'est Funky dans la radio jusqu'à 9h. Céline Dion, Nana Karibou avec Jean-Jacques Goldman. J'irai où tu iras, où tu vas. J'irai où tu iras, où tu iras, où tu iras. sera toi bientôt 9h sur Radio Arc-en-Ciel avec Céline Dion, Jean-Jacques Goldman, J'irai où tu iras. Demain on sera là avec Fabien Dumas, notre chroniqueur, avec les bons plans sortis à partir de 8h dans les studios. Puis vendredi Stéphanie Bier, notre invité, ben ouais, notre chroniqueuse aussi sera là. Le meilleur du son funky music, histoire de arriver à la pub avec Oliver Chatham, Get Down Saturday Night 1984. Ça va pas nous rajeunir ça. Belle journée et courage à vous qui allez bosser sous le soleil aujourd'hui. Get Down Saturday Night, qui nous a quitté il y a bientôt 10 ans. Ça passe, hein, 84 ce titre. On a dansé là-dessus dans les clubs. Je vous retrouve demain, 7h-9h, avec Fabien Dumas qui sera là pour la chronique culturelle. Vendredi, Stéphanie Bier pour plein de belles choses. Et ouais, puis la semaine prochaine, plein d'invités. Soyez heureux, soyez beaux aujourd'hui parce que le soleil va briller jusqu'à 18 degrés. Ça, c'est la bonne nouvelle. Quelques petits nuages, mais très timides. Demain, gros soleil. Ah ouais, c'est comme ça. Belle journée sur la radio couleur. C'est Francky dans la radio. Vous pouvez appeler Arc-en-Ciel au 02 38 43 48 00. Arc-en-Ciel, c'est du soleil toute la journée. Arc-en-Ciel, les bons plans sortis, actu, musique locale, c'est sur le 96.2 FM. Agent mandataire pour le réseau immobilier IAD France, sur le secteur du Loiret. Mon rôle, vous accompagner dans la réalisation de votre projet immobilier, que vous souhaitez acheter, vendre ou tout simplement faire estimer gratuitement votre bien. Vous cherchez à vendre ? Je vous accompagne dans toutes les étapes de votre bien immobilier, jusqu'au rendez-vous chez le notaire. Vous souhaitez acheter ? Je vous propose un bien immobilier suivant votre cahier des charges et vous accompagne également chez le notaire. Contactez-moi, Nicolas Dovalagres au 07 67 53 23 42, réseau IAD France. Quelle inette, mais...